l'oseille pour faire de l'oseille. Y'a pas de réussite sans billets. Pas de confiance, je veux 100 grammes. Photo poste 300 billets. Ils donneraient leur mère pour du bif, ils boufferaient même du sanglier. Certains sont de sang de la veine, même si on n'a pas le temps nier. Pas le temps de s'ennuyer, tout le monde s'en bat les coups de tout. Rien à foutre tant que ça rapporte, nous jours les petits vendent de tout. On dort le jour, on vit la nuit, on rentre quand tu le fais tôt. Quand t'es condamné, tu le sais tard, mais rien ne change, tu le sais tôt. C'est ça, un point, c'est tout. Pour la monnaie, personne s'épargne. Pas de compte en banque, tout c'est mort, le compte épargne. Malgré le buzz, rien n'a changé, que je tourne ma veste, n'y comptait pas. Pour certains, je compte beaucoup, alors qu'avant, je comptais pas. Si on sait pas faire, on ne fait pas. On ne se taire, on ne sait pas. Le seul fautif, chaque cerveau guide ses pas. Dans la vie, si tu galères, ne rien faire ne t'aidera pas. Jour après jour, le temps s'écoule, et sois sûr qu'il ne s'arrêtera pas. Les jolis thugs ont les chiffres aux carrières. Les jolis thugs, ils ont les chiffres aux carrières. Je les vois cavaler quand on sort de barrière. Je les vois cavaler quand on sort de barrière. Rien à foutre, on met ta fille avec ses deux des barrières. On met ta fille avec ses deux des barrières. Ramène-moi qui tu veux, est-ce que tu veux barrière. Ramène-moi qui tu veux, est-ce que tu veux barrière. Ils nous jugent sans même nous connaître, on est vus comme des malfrats. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'être, tu ne fais pas ce que ton mal fera. Ils veulent qu'on soit tous honnêtes, mais eux-mêmes ne le sont même pas. Je fais pas semblant quand j'aime pas, je le dis normal, je me gêne pas. Mais au poteau, je me fie pas, aux apparences faussitaires. Je négocie pas car j'oublie pas ce qu'on a souffert. Toutes les épreuves, ce qu'on a raté, ce qu'on a su faire, ce qu'on a acquis, ce qu'on a retenu de chaque erreur qu'on a pu faire. En silence j'ai souffert, ouais j'ai tout taffé dans mon coin. J'étais pas de ceux qui allaient au tableau, j'étais de ceux qui allaient dans le coin. La vie n'est pas si facile quand on ne baisse pas les points. Tu peux le faire même si t'en as moins, dis-toi que c'est pareil tous les coins. Sur le chemin trop de gens se perdent, l'enfer brûle pas au sans plomb. Parler ne sert à rien, c'est comme de faire la guerre sans plomb. Les plus gros mensonges passent, mais nous vous le rappelons. Tu seras plus convaincant si tu t'exprimes avec aplomb, hein. Les joues, les thugs, ils ont les chiffres aux carrières. Je les vois cavaler quand on sort le barrière. Rien à foutre, on met ta fille avec ses deux des barrières. Ramène-moi qui tu veux, est-ce que tu veux barrière. Ils jouent les thugs, ils ont les chiffres aux carrières. Ils jouent les thugs, ils ont les chiffres aux carrières. Je les vois cavaler quand on sort le barrière. Je les vois cavaler quand on sort le barrière. Rien à foutre, on met ta fille avec ses deux des barrières. On met ta fille avec ses deux des barrières. Ramène-moi qui tu veux, est-ce que tu veux barrière. Ramène-moi qui tu veux, est-ce que tu veux barrière.